Dossier page 11. Carte nationale d'identité. Redécoupage électoral. Ce qui change en 2017. Réforme sur la délivrance des cartes nationales d'identité. Depuis le 1er mars 2017, les demandes de délivrance des cartes nationales d'identité devront être faites exclusivement dans les mairies équipées du dispositif de recueil DE. Pour le Sud-Mayenne, seules les communes de Château-Gontier, Bazouges, Cran et Mélé-du-Maine en disposent. Les modalités techniques sont identiques à celles utilisées pour les passeports, pour lesquels nous sommes missionnés depuis 2009. En 2016, nous avons reçu 939 personnes pour la délivrance des passeports, 379 de Château-Gontier-Bazouges et 560 des communes extérieures. Pour les cartes nationales d'identité, cela a représenté 700 personnes à Château-Gontier-Bazouges. Les demandes des 23 autres communes de notre territoire représentent une moyenne annuelle de 950 demandes. Pour faire face à cette nouvelle mission, nous ne disposons que d'un seul équipement, DR, depuis 2009, qui, jusqu'à maintenant, nous permettait de recueillir les demandes de passeport. Pour faire face à cette nouvelle mission, et afin d'accueillir les usagers dans les meilleures conditions, il a été décidé de mettre en place, à titre expérimental dans un premier temps, des rendez-vous pour les personnes sollicitant la délivrance de passeport ou de carte nationale d'identité. Les créneaux, 5 demi-journées par semaine, sont fixés de la manière suivante. Les lundis, jeudis et samedis matin, de 9h30 à 11h45, les mercredis et vendredis après-midi, de 13h30 à 17h45. En dehors de ces créneaux, nous accueillerons les demandeurs en fonction des disponibilités du service. Redécoupage électoral. Nouvelle organisation des bureaux de vote. Depuis la loi du 17 mai 2013, avec décret publié en février et en mars 2014, la ville de Château-Gontier-Bazouges est délimitée en un seul canton de 13 communes, au lieu de deux existants auparavant. Ce nouveau découpage territorial est entré en vigueur à l'occasion des élections départementales de 2015. À l'occasion de la refonte électorale de 2017, le périmètre et le nombre des bureaux de vote ont été modifiés. Le nombre de bureaux est passé de 9 à 8 bureaux de vote répartis sur le territoire. Voici la liste. Bureau de vote numéro 1 et numéro 2, hôtel de ville et de pays. Bureau de vote numéro 3, maison de la petite enfance. Bureau de vote numéro 4, salle de la Motte. Bureau de vote numéro 5, salle d'animation du Louvre. Bureau de vote numéro 6, AAH, et numéro 7, IAZ, école Jean Guéhenot. Bureau de vote numéro 8, mairie annexe. Ces informations, numéro de votre bureau de vote, figureront sur votre nouvelle carte électorale que vous recevrez en mars 2017. Pour rappel, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Cependant, le Conseil constitutionnel a décidé, le 3 octobre dernier, que pour les élections présidentielles, les bureaux de vote fermeront à 19h. Chaque bureau de vote est constitué d'un président, d'un secrétaire et d'assesseurs qui mettent à votre disposition les bulletins de vote classés selon l'ordre officiel. Vote par procuration. L'électeur, le mandant, absent lors du scrutin, fait établir une procuration par anticipation auprès de la gendarmerie ou le tribunal d'instance par un autre électeur, le mandataire, qui votera à sa place. Ce dernier doit être inscrit sur la même liste électorale, mais pas obligatoirement dans le même bureau de vote. Rappel des dates. Élection présidentielle, fermeture des bureaux de vote à 19h. Premier tour le 23 avril, deuxième tour le 7 mai. Élection législative, fermeture des bureaux de vote à 18h, premier tour le 11 juin, deuxième tour le 18 juin. Obligatoire, pour voter, pensez à vous munir d'une pièce d'identité. Pour tout renseignement, veuillez contacter le service Prestations à la population au 02 43 09 55 41. Hôtel de ville et de pays, 23 place de la République, 53 200 Château-Gontier.